Chapitre 28. Heureuse marquise. Comment arranger tout cela? D'abord, Geneviève de la Rochecléry ne pouvait accorder ni oubli ni pardon, puisqu'on ne lui réclamait rien. Quant à faire le premier pas, et un pas vers l'infernal Paris, qui plus est, il n'y fallait même point songer. Pourtant, il y avait là-bas une jolie petite mignonne qui portait son nom et celui de son neveu. Elle ne pourrait même pas l'embrasser avant de mourir. Elle pleura encore de douleur et de joie, car elle espérait trouver une solution. Elle ne se trompait point. La solution arriva d'elle-même, à point, sous la forme d'une lettre repentante de son coupable et repentant neveu. « Ma bien-aimée tante, daignez me permettre de rompre un trop long silence pour vous donner les explications que je vous dois. » J'ai eu de grands torts envers vous. Par entraînement, j'ai beaucoup dépensé. Votre fortune a été gravement compromise de mon fait. J'étais ruinée. Devais-je achever de vous dépouiller? Un mariage dans notre monde m'était interdit. La noblesse est peut-être plus mercantile que la bourgeoisie des parvenus à notre époque. Et puis, j'avoue ma faiblesse. J'avais rencontré, dans les salons les plus inaccessibles, Mademoiselle Adrienne Bonner, fille unique d'un banquier des plus honorables, une fervente catholique élevée au couvent des oiseaux. Je m'en ai pris et notre union s'est faite, je vous le jure, plus encore par inclination que par intérêt. Je vous assure que cette union ne m'a pas encore enrichie, ma bonne tante. Nous avons une charmante petite fille que j'adore et qui porte votre nom. Vous êtes sa marraine, est-il besoin de vous le dire? Notre désespoir est dans sa faiblesse extrême. Elle est née prématurément. Ah, si elle pouvait respirer le grand air auprès de vous, peut-être serait-ce son salut, et elle vous le devrait, ma chère tante. Certes, je ne veux point vous présenter Madame de Charmeuse, ni vous infliger sa présence, encore moins la mienne. Je connais vos principes invariables et absolus, je les respecte, les admire et les vénère. Honteux, hélas, que je suis de les avoir méconnus et oubliés. Une passion sincère et désintéressée est ma seule excuse. Mais ne pourriez-vous faire grâce à notre pauvre innocente, la pure et gentille Geneviève de Charmeuse, votre petite nièce? Votre image et votre revivance, mon Dieu, on le jurerait. Cela, je vous en supplie à genoux, ma bonne et chère tante. Votre ancienne demoiselle de compagnie, Valentine Clément, est entrée chez nous, après avoir vainement essayé de se créer une position sortable à Paris. Je la crois guérie de sa petite pointe d'ambition, et elle regrette bien son beau Courtenay, les bois, le moulin, notre joli ruisselet, et surtout sa bienfaitrice, vous, ma tante. C'est elle qui sera la gouvernante et l'éducatrice de notre fille. Acceptez-vous de les recevoir, toutes les deux, au premier beau jour, quand l'enfant sera tout à fait sevré, car elle prend déjà difficilement le sein, et les médecins recommandent l'air pur et le bon lait de notre cher Courtenay. J'attends votre réponse avec une bien grande impatience, ma tante bien-aimée, et vous supplie encore de me permettre de vous embrasser par la pensée. Ô vous, ma seconde mère adorée, votre neveu, Roger de Charmeuse. Comme on le voit, le monsieur avait fait de rapides progrès dans l'hypocrisie. Faut-il ajouter qu'il affola et remplit d'enthousiasme la bonne vieille de la Rochecléry? Elle se voyait déjà, rajeunie et charmée, promenant la mignonnette, avec sa chère Valentine. Valentine, revenue pour toujours au bercail, tous les bonheurs donc à la fois. Heureuse grand-mère! Car elles sont bien un peu grand-mères, au fond, les bonnes vieilles filles, réduites à dorloter des chiens, des perroquets ou des chats, par maternité rentrée ou dévoyée. Oh oui, quel bonheur, quel bonheur! Dieu lui pardonne encore s'il est juste, elle en esquissa presque un pas de menuet. Sa réponse fut prompte, naïve et partie du cœur. Une fois, une rarissime fois n'est pas coutume. Oh, mon cher Roger, quel plaisir tu me fais après tant de peine. Oui, J'oublie tout pour ne plus penser qu'à ma petite filleule. Embrasse-la 1000 fois pour sa vieille tante, pour sa marraine qui voudrait déjà la manger de caresses. Allons, je t'embrasse aussi. Je ne vois plus clair en t'écrivant, je ris et je pleure, adieu. Oui, envoie-moi Valentine et ma gentille nièce, je les attends. Je vous embrasse encore. Plus tard, je verrai. Enfin, je vous embrasse tous. Geneviève de la Roche-Cléry. Et, sûre qu'elle ne mettrait jamais ce paquet d'hérésie à la poste, si elle y réfléchissait seulement l'espace de 5 secondes, la vieille fille y envoya tout de suite, quitte à implorer le pardon du ciel et du bon curé de Courtenay pour son accès de coupable et irrésistible folie.